Chez Dolbo Auto, le mois d'août, c'est le mois du camion avec le Silverado 1500 à cabine multiple. Financement à 0% sur 72 mois, plus 2 900 $ en remise au comptant à la livraison. Ou encore le Colorado 2019 à 1,99% pendant 60 mois, plus 1 250 $ en crédit total de financement. Profitez des rabais préférentiels aux membres Costco admissibles. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 276-0580. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Les Sables de Roberval, il y a à peu près un mois, on a fait une entrevue avec Guy Larouche, Les Sables, qui avait énormément discuté de trouver un entraîneur. Ce qu'on a appris en fin de semaine, c'est que le hockey mineur de Roberval prend la relève et va tenter au cours des prochains jours, parce que c'est pas des prochains, parce que ça s'en vient très grand pas, la saison de hockey, de relancer Les Sables de Roberval. On va parler avec... c'est la première fois qu'on lui parle, je suis bien content de lui parler. C'est Pascal Bouchard qui a succédé à Hugo Maltais. Salut Pascal! Salut Danny! Pascal, effectivement, il y a à peu près un mois, j'ai fait une entrevue avec Guy Larouche parce que ce qu'on disait, c'est que Les Sables, beaucoup discutaient de trouver un entraîneur. Ce que j'ai appris en fin de semaine, c'est que le hockey mineur qui prend la relève de Guy Larouche. Effectivement, Guy a décidé de se retirer. Okay. Donc, il a envoyé un courriel à Danny Larouche, le président de la Ligue, pour dire que les Sables mettaient fin à leurs opérations, mais nous autres, comme hockey mineur, ben, c'est un... Notre mission est en fait est d'offrir un service à nos jeunes du secteur. Puis on voulait pas abandonner. C'est un beau produit, le junior de A, fait qu'on voulait pas abandonner. Fait que, en fin de compte, on a pris la décision de chercher un nouveau groupe. Là, pour le moment, c'est l'hockey mineur qui est à la tête de tout ça, mais éventuellement, là, il va y avoir des gens qui vont s'occuper du junior de A. Es-tu confiant que que les Sables vont trouver un nouvel entraîneur, vont trouver un nouveau groupe de direction? Oui, je suis très confiant. Déjà, j'ai senti un certain engouement là, à la fin de la semaine passée, puis en fin de semaine. Là, il y a des gens qui ont communiqué avec moi puis avec mon vice-président junior pour démontrer leur intérêt. Puis j'ai communiqué avec un entraîneur aussi. J'attends une réponse, mais j'espère que ça va être positif. Là. Je devrais avoir un entraîneur au courant de la semaine. OK, un entraîneur devrait être au courant de la preuve. Parce que les Sables, ça a très, très mal parti. Mais depuis que Guillaume Guy avait pris la relève, maudit qu'il avait fait une bonne job, puis les Sables étaient bien partis, puis on sentait vraiment le changement. Là. Oui, ben c'était prometteur. Hein? Les joueurs qui s'en viennent, là, c'est des excellents joueurs. On les a vus au niveau de Bantam, au niveau Midget, qui formaient un très, très bon groupe. Puis on greffe en plus des joueurs du secteur Métabec-Chouane, Saint-Bruno aussi avec ça. Fait que c'est sûr que l'avenir est prometteur pour les Sables. C'est sûr. Puis les jeunes, ben, j'ai communiqué avec quelques jeunes aussi. Puis ils sont fébriles, là. Ils sont contents que ça redécolle, si on veut. Là. Fait que il y a un certain engouement aussi au niveau parce des joueurs. Parce que dans le temps, je parlais avec Hugo Maltais. On a fait plusieurs entrevues avec Hugo, là, plusieurs années. Parce que Hugo me disait, tu sais, il s'est retiré parce que là, maintenant, il s'occupe du hockey scolaire. Il me disait comment que c'était que dans le temps les Sables étaient même pas là quand on avait commencé à parler. Puis il dit c'est bon pour le hockey mineur d'avoir une équipe plus haute. Ça fait comme un modèle pour l'équipe. Là. Pour oui, les effectivement, jeunes. Les jeunes, c'est sûr. Ben, c'est sûr que c'est des fois c'est tard un peu le vendredi soir, là, mais on voit encore un petit peu de jeunes quand même qui y vont. Puis c'est sûr que on entend parler un petit peu, hein. Les parents y vont aussi, tout ça. Puis quand t'as des matchs aussi, on a eu l'expérience d'avoir un match en après-midi cette année. Ouais. Puis il y a eu quand même une bonne réponse des jeunes. C'est sûr que c'est intéressant pour eux autres. Là, quand ils sont rendus Calibre puis Wee Bantam, ben là, ils sont plus en marge d'aller voir ces matchs-là. Puis ça les incite peut-être à continuer un peu. OK. Pascal, puisque je t'ai, donc un entraîneur devrait être nommé cette semaine, c'est ça? Ben, je l'espère. Okay. Je l'espère. J'ai fait des contacts, puis j'attends des rapports. Est-ce que Jason Lajeunesse pourrait revenir dans l'équipe? Parce que moi, j'avais entendu des rumeurs. Jason est un candidat intéressant. Okay. Intéressant. je ne veux pas le mettre dans les histoires, mais ce serait vraiment intéressant. Dis-moi, puisque je t'ai, les Saguenayens vont être à Roberval, c'est quoi la date? C'est la date, c'est le 24, 25? 20, 29 août. Ouais, jeudi le 29 août, là, le jeudi juste avant la grande fin de semaine de la fête du travail. Comment vont la vente des billets jusqu'à maintenant? Je sais que la première année, c'est, à Robertval, ça avait été extraordinaire parce que, écoute, c'était normal, ça se vendait tout seul. Samuel Girard était là, était avec les Cataractes à l'époque. Là, oui. Quand vous avez annoncé ça, est-ce que la vente est encore prometteur? Oui, c'est prometteur, la vente va bien. C'est sûr que pour la première semaine, on a ouvert juste aux gens du hockey mineur pour leur donner la chance. On fait ça pour eux autres aussi, pour les jeunes. Fait qu'on a ouvert pour une semaine là, pour les jeunes du hockey mineur. Puis à compter de mercredi, ben là, on va offrir les billets qui nous restent à toute la population. OK. Donc, les billets sont en vente. C'est au coût de quoi? 20 $? La première fois, c'était 20 $. Donc, C'est 15 $. C'est 15 $? OK. C'est 15 $. Oui, maintenant, avec le nouveau cahier de charge qu'on a reçu, là, c'est sensiblement la même chose que les dernières années. Sauf qu'on a un prix plafond là, pour les billets demandés par les cinq de 15 $. OK. Donc, les gens qui veulent se procurer les billets, on appelle où? Puis on parle au président du hockey mineur, c'est ça? Ben, vous pouvez communiquer avec tous les gens du comité CEOS de hockey mineur. Nos noms sont tous... Il y a une affiche sur notre page Facebook. Après ça, vous pouvez communiquer aussi avec le service des loisirs. Eux autres peuvent rediriger les gens vers les gens du comité là si jamais c'est plus difficile pour nous trouver. Là. Mais le service des loisirs collabore avec nous autres aussi. OK. Donc, Pascal Bouchard, on s'en parle bientôt pour la nomination du nouvel entraîneur. Parfait, merci beaucoup. Voilà le président du hockey mineur de Robertval, Pascal Bouchard.